Radiomatique. Boom. pour ouvrir la transmission 5-1-5 d'Audiomatic, les sonoristes ont laissé la place au projet Theremin Quattro et Deconstruyendo Tokyo 24, qui est en fait une version revampée de cette pièce originellement composée il y a 20 ans et qui apparaît aujourd'hui sur la réédition en vinyle de l'album Lima, Tokyo Lima, publié en août 2024. Cette nouvelle version fait également l'objet d'une vidéoclip qu'il est possible de visionner notamment sur le canal YouTube de Theremin Quattro. Et finalement, soulignons que l'album original Lima, Tokyo Lima a été publié en 2004. Et maintenant, c'est au tour du duo norvégien The Holy Mountain d'assurer la continuité audiomatique. Nous avions droit à Audiomatic, au groupe anglais Blurred City Lights, qui a été fondé en 2012 par Dean Garcia, ex-membre du groupe Curve et leader de la formation Space Echo, et également par Jarek Leskiewicz, qui a œuvré sous différents pseudonymes et qui est aussi membre de la formation Space Echo. Du plus récent album de Blurred City Lights, intitulé Overload, et paru le 6 septembre 2024, nous entendions la chanson Primal. Et tout juste avant Blurred City Lights, il s'agissait du duo norvégien The Holy Mountain, de son tout premier album Toad of Light, sorti en 2018. Nous vous avons offert la pièce Celestial City. Prenez note qu'à partir de 2020, The Holy Mountain est devenu un trio et que sa musique a pris une tangente, disons, davantage synth-pop. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe américain Holy Fawn. Thank you. Thank you. C'était à Audiomatic, la formation montréalaise Soons, de son plus récent album The Breaks, lancé le 6 septembre 2024. Nous vous avons fait jouer la chanson Road Signs and Meanings. Et en amorce de séquence, nous avions droit au groupe américain Holy Fawn, de son deuxième album Dimensional Bleed, paru en 2022. Nous avons entendu la chanson Sightless. Toujours à Audiomatic, allons-y maintenant avec une pièce du groupe québécois Parallel Lines. Audiomatic, cette séquence d'une seule pièce était l'œuvre du groupe québécois Parallel Lines, auquel participent notamment Pascal Asselin du projet Millimétrique et Eric Quark du projet Disquiet Army. Du troisième et dernier album de Parallel Lines, paru en 2013, intitulé White Fur, Black Cathedral, du nom des deux pièces qui le composent, nous écoutions la pièce Black Cathedral. Et c'est avec un autre groupe québécois que nous conclurons cette transmission d'Audiomassic, à savoir Palissade, qui nous offre sa composition Premier Jour, tirée du tout nouveau mini-album Repère Trouble, paru en format physique sur cassette. Sachez par ailleurs que Palissade sera en spectacle le samedi 21 novembre 2024 au bar Le Zénobe de Trois-Rivières. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors pour terminer, voici Palissade et la pièce « Premier jour ». C'était Audiomatic avec les Sonoristes. Les sons.